t'excites pas, t'es pas trop bien. Tu fais chier, je t'excite pas, je suis pas ton chien. Nous sommes des accidents, des enfants sexy. Dans un monde concret, regarde, je suis une bande. HTTP, LSD, montre-moi tes seins. Clic, clic, l'accent LSD, je te montre les miens. Là. Les collisions, c'est des vraies rencontres, des centimètres de plus.